Barrage. Je fus amené dans les locaux de la police spéciale, où le même petit gnome corrompu du temps où je voulais vendre mon fourgon écrivit un rapport procès-verbal. Il savait pourtant que je savais lire, moi. Première phrase. Ce jour, nous avons interpellé M. Kahn à la frontière. Je lui dis non, je me suis présenté à la frontière. Et là, il m'arrache la feuille des mains sans que je puisse lire mes propres déclarations. Il est bien évident que je n'ai rien signé. Nous allâmes ensuite rencontrer le préfet, chez lui. À son domicile, le grand salon était organisé comme une église, et nous trouvâmes ce haut fonctionnaire d'un état laïque, assis avec à ses pieds, un jeune garçon agenouillé sur le sol, en train de réciter la Bible. Après une demi-heure, il daigna nous recevoir et récupérer les documents du Nigeria. Le lendemain matin, une réunion est organisée dans la préfecture avec toutes les autorités officielles. Chef de la police, commandant de la gendarmerie, commandant des bires, secrétaire de la police spéciale, procureur, maire adjoint, et surtout, le 3-en-1 maire, roi, imam. On pouvait très facilement déterminer le pouvoir de chacun en fonction de son siège. J'étais assis sur un tabouret, à ma droite, derrière un bureau, le préfet avec le seul stylo. À ma gauche, sur des sièges molletonnés, il y avait des commandants de service. À mon extrême gauche, sur des inconfortables sièges, voire éjectables, il y avait l'adjoint et le secrétaire. Devant moi, il y avait un divan où étaient affalés le procureur et le roi. La réunion commença par un bref rappel du préfet. Puis, il me demanda d'expliquer ma situation. J'exposai donc mon projet, en mettant l'accent sur les bénéfices pour les habitants et l'enrichissement que cela apporterait. Plus de détails par la suite. Hormis le roi, mon auditoire en était déjà conscient, mais je compris que le but de la réunion était d'obtenir le consentement de l'autorité traditionnelle, car mon sort était déjà joué pour l'administration. Des ordres venaient de plus haut dans leur hiérarchie. La région est en grande majorité musulmane. Il était remarquable que le seul musulman de la réunion était l'imam, roi et maire de Banyo. Sur ce canapé jaune en face de moi, il était échoué comme une méduse sur une plage. Il portait un boubou blanc trop large pour la région, de ceux que portent les nomades dans le désert. Drapé dans sa richesse mal acquise, il avait du mal à cacher sa pauvreté intérieure. Pour comprendre sa position, il est très important de savoir que ce monarque avait un problème de légitimité vis-à-vis de sa population. Pour en savoir plus, il suffit de lire le rapport fait par les Allemands lors de la colonisation de la région. En résumé, dans cette province, les membres historiques de la famille royale ont été tués ou exécutés. Ce roi est le fils issu du cadet des enfants, le seul membre s'étant soumis aux colons. Il n'avait aucun charisme. Après mon exposé, il y eut une cacophonie de basse-cour, mais quand le roi servile prit la parole, ils se turent. Avec sa petite voix, il commença à raconter son voyage à Paris, France, où il avait visité un cimetière pour chiens. Il avait trouvé cela scandaleux. Jusque-là, j'étais assez d'accord. Puis il dit « La frontière dont vous parlez, c'est la frontière des Blancs, et ce n'est pas celle que je respecte. » Je lui dis direct « Vous dites Blanc, vous êtes raciste ?» Il répondit « Oui ». Les autres, ces gens, furent médusés et pétrifiés pendant un instant. Alerte, le souverain va se faire contrôler, donc plus d'argent. Sans laisser passer l'ange, et comme si j'avais fait appel au diable, même les muets se mirent à s'esclaffer ou à rigoler fort pour mettre un terme à cette discussion. Ils savaient que j'allais logiquement la gagner. Le préfet dut hausser la voix pour s'adresser à moi. « Ce n'est pas le sujet, monsieur Kahn. Seriez-vous prêt à faire des efforts en vous rapprochant de l'administration et en faisant les démarches pour officialiser vos actions ?» Je répondis « Oui, pas de problème, mais fournissez-moi une carte qui prouve que je suis sur le territoire camerounais. » Il répondit en serrant les dents « Non, cette carte est secrète. Fin de la réunion. » Sur la route des cellules de Banyo, le gendarme fit un détour par le poste de la brigade d'intervention rapide, car les soldats voulaient voir ma tête. Celle de celui qui leur avait échappé quelques jours plus tôt. Leur chef avait dû penser que cela leur donnerait un peu de joie. Mais cette scène était la caricature parfaite du rire jaune. Voilà, on me remet en garderie, 35 ans après m'en être évadé. Je vais passer plus de 100 jours en cellule, dans 5 commissariats différents, mais avant de rentrer dans les détails, je vais livrer ma navrante conclusion sur les fonctionnaires. J'ai eu le temps de les écouter, de les observer et même de discuter avec certains d'entre eux. Leur niveau de stupidité fait simplement peur et ils tranchent franchement avec la finesse de réflexion et d'analyse du citoyen moyen. D'où la certitude que si les fonctionnaires, y compris les présidents, étaient tirés au sort parmi la population, les bénéfices en vie seraient gigantesques. Les policiers 100% ivres qui me gardèrent pendant 2 jours à Bagneaux n'étaient pas des exceptions. Car après, je fus transféré à Ngaoundéré par 2 agents armés matériellement, mais intellectuellement le néant. À mon arrivée, la première chose que j'ai vue, c'est 2 jeunes de 15 ans en pleurs. Ils étaient en train de danser devant un policier. S'ils arrêtaient de sautiller, ils recevaient des coups de câble électrique sur les pieds. Intolérant face à ces pratiques, je me suis donc avancé en ordonnant « Arrêtez ça !» Au bilan, des tracasseries. Je me suis retrouvé dans la même cellule qu'un an auparavant, mais cette fois, le policier qui m'y jeta demanda à mes futurs camarades de me tabasser. Ce fut un instant assez tendu, mais j'étais prêt à riposter. J'écrirai par la suite comment bien rentrer dans une cellule, mais à cet instant, j'étais un débutant. La spécificité de la cellule du commissariat de Ngaoundéré, c'est qu'il y a à l'intérieur de la cage un couloir avec 3 pièces fermées. 6 ou 7 détenus me poussèrent dans l'une d'elles et fermèrent la porte derrière eux avant peut-être de me violenter. Mais, à ma grande surprise, ils me demandèrent de m'asseoir et de leur expliquer pourquoi les policiers leur avaient demandé de me battre. Je leur explique mon énervement face à la torture des 2 jeunes, mon projet de haut fourneau et mon histoire. Le chef de cellule me dit « Pas de problème, tu restes tranquille et tout se passera bien. » Ils frappèrent dans leurs mains pour simuler des coups et poussèrent quelques cris, puis ils rouvrirent la porte. Je passai 5 jours avec eux. Nous étions plus d'une 20aine d'humains enfermés dans cette cellule. À l'intérieur, rien n'est rose. Un exemple, lors de ce séjour, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer y était abandonnée. Elle s'était perdue dans la ville et étant rentrée dans un jardin privé, la police avait noté « violation de propriété » et l'avait mise dans cette cellule. Depuis 1 semaine, le problème pour ses co-détenus était que 90% du temps, il n'avait pas conscience d'être dans une prison. Et il commençait à ranger son lieu de vie, son petit monde, en rassemblant tout le linge qu'il trouvait. Cela ne plaisait pas, donc il le frappait pour qu'il arrête. Au bout 1 heure, il avait même oublié qu'il avait été frappé, et il recommençait, et cela 2 jours comme 2 nuits. Personnellement, je l'ai protégé autant que j'ai pu, mais j'ai dû accepter que mes camarades l'attachent pour que nous puissions dormir un peu. Je découvrais que ces malades mentaux de devant les barreaux se servaient des cellules comme d'un hôpital psychiatrique. Cependant, ma prise de conscience évoluait aussi sur d'autres domaines. Par exemple, un après-midi, j'étais assis dans un coin quand le chef de cellule me demanda de le rejoindre car il voulait me montrer quelque chose à l'entrée de la cage. C'était une ouverture de 2 mètres sur 2 avec des barreaux verticaux qui donnaient sur un hall d'entrée juste en face du comptoir de la police. Entre nous et le comptoir, il y avait ce couloir hall que toutes les personnes voulant se rendre dans les bureaux devaient traverser. Nous étions 4, dont moi, à regarder les gens passer. Mes 3 acolytes s'étaient fait attraper alors qu'ils dévalisaient des conteneurs en transit. Ils s'étaient attaqués au business du groupe français Bolloré. Physiquement, moi et 2 autres étions grands, 1m90, et musclés. Attention, c'est du vrai muscle sec de travailleur de force, avec les cicatrices, donc pas de la gonflette que l'on voit dans les films. Le chef de cellule, lui, était de taille moyenne, 1m70, assez svelte avec un beau sourire et surtout une très bonne élocution. Comme il faisait très chaud, nous étions tous torse nus, mieux qu'une photo de calendrier. Ma sexualité. Suite à mes relations avec cet humaniste espagnol 2 ans plus tôt, je n'ai eu aucune relation sexuelle pendant 7 ans. 0. Ce n'est pas par manque d'opportunités. C'était simplement le résultat de mes expériences conjuguées avec l'aboutissement de ma réflexion sur le bien. Comme je l'ai dit, la finalité de la vie est de générer de la vie. Et il y a de nombreuses façons de générer de la vie. Dans les temps anciens, la reproduction était une nécessité pour notre espèce. Aujourd'hui, non. Pourtant, nous sommes toujours programmés pour la perpétuation. Pour nous pousser à nous reproduire, l'évolution-sélection a dû doter notre cerveau d'un arsenal chimique performant, une arme. Son but est de lutter contre lui-même pour permettre à notre instinct de gagner la bataille face aux logiques suivantes. Il y a d'autres façons de générer de la vie que de faire des enfants. Avoir une relation sexuelle, c'est dangereux. De nombreuses femmes meurent des conséquences d'une grossesse. Un enfant, c'est coûteux. Instinctivement, ces pensées provoquent du malaise. Cette fois-ci, rien à voir avec l'adrénaline. L'objectif chimique n'est pas la survie de notre personne. Au contraire, ce dopage autogénéré va affecter la réalité et nous faire prendre des risques. Dans ce conflit neuronal, une des parties les plus primitives de notre cerveau va sécréter et diffuser des substances pour bloquer la partie consciente préfrontale, siège de la peur et de la réflexion. Lors d'une relation sexuelle, les composés chimiques libérés portent les noms de dopamine, endorphine et ocytocine. D'après moi, l'endorphine est très dangereuse. Elle est diffusée dans le cerveau, principalement lors de l'acte sexuel, mais aussi lorsque l'on pense à la personne aimée. Elle provoque un sentiment de bien-être, pareil à une drogue. Ses effets physiques sont de fausser le jugement, d'empêcher le discernement, de bloquer l'esprit critique. Donc, de faire une altération de la réalité et de rendre impossible la prise de bonnes décisions. Difficile de faire le bien. Malheureusement, ou heureusement, mais logiquement, la production de cette drogue par le cerveau dure les 3 premiers mois d'une relation, le temps de la passion. Cette période de diffusion permet à deux êtres qui n'avaient peut-être pas vraiment d'intérêt à rester ensemble de reproduire l'acte sexuel suffisamment de fois pour faire un bébé. D'expérience, et dit cyniquement, après 3 mois, la reprise de conscience est effrayante. Des fois. Dit plus diplomatiquement, les relations sexuelles ont des conséquences extrêmement coûteuses en temps, argent. Mais sur cet aspect, je m'estime chanceux par rapport à d'autres. Pourtant, ce n'est pas l'endorphine qui a motivé mon abstinence de ces 7 dernières années. Mais c'est les bienfaits des relations sexuelles par ces émissions de dopamine et d'ocytocine. Il faut dire qu'après de longues années d'entraînement et à un rythme assez intensif, j'avais acquis de bonnes capacités à faire jouir mes partenaires. Étant rassuré sur ma virilité et sur ma fertilité, un avortement, la question qui se posait était « à qui donner du plaisir ?» Après une relation sexuelle, la dopamine rend plus fort et plus sûr de soi. Pour l'ocytocine, elle conforte, rassure et rend plus heureux. J'avais donc ce pouvoir de renforcer qui je voulais. Alors autant m'en servir pour l'humanité. Dans la mise en application, j'étais cependant conscient qu'après avoir eu une relation sexuelle, je ne serais plus en capacité de juger la bienveillance de cette personne. Je devais donc m'assurer à 100% qu'avant toute éjaculation, cette personne faisait déjà du bien. Je n'accorde plus crédit sur la base d'intention. Donc, avant tout acte sexuel, je devais l'avoir vue faire des actes rentables en vie et avoir discuté avec elle de ses motivations dans la vie. Or, dans la suite de mes aventures, j'ai vu de nombreuses personnes faire le bien, mais le manque d'opportunités et surtout la barrière de la langue firent que je n'eus plus de relations sexuelles. Sachant que les hommes et les femmes sont mus par le même instinct de donner la vie. Illustration du danger. La première fille seule qui passe, le chef de cellule l'interpelle. Je souligne que cette fille-femme a été prise totalement au hasard et qu'il ne la connaissait pas. Elle venait sûrement faire une démarche administrative dans les bureaux, à notre gauche. Il lui dit « Tu veux prendre une douche ?» Elle s'arrête, nous regarde et dit « Pourquoi ?» Et là, elle a écarquillé les yeux en serrant les lèvres. Dopamine, adrénaline, un cocktail de drogue, un super shoot qui lui a inondé le cerveau. En un instant, elle était complètement stone et il commence à la baratiner. La présence de mecs à moitié nus et ce bavardage lui faisait visiblement beaucoup d'effet. Début de la sécrétion d'endorphine. Elle commence à se caresser les bras, à avoir des gestes exagérément voluptueux, à rigoler nerveusement. En résumé et en quelques secondes, elle se liquéfiait devant nous. Tout en répondant doucement, elle se rapprochait. Elle avait l'air super gentille, mais là, c'était son instinct qui avait pris les commandes. En moins d'une minute, elle était à portée de nos mains, c'est-à-dire à quelques centimètres des barreaux. Nous la sentions aimantée. Si elle avait eu la clé dans la main, elle serait rentrée avec nous. Ses neurones ont recommencé à se reconnecter, à la peur, quand le chef de cellule lui a dit « Va chercher la clé là-bas ». Elle prit conscience de sa sottise. Elle n'était qu'une opportunité pour lui de sortir de là. Mais j'ai pu constater plusieurs fois que les femmes étaient plus attirées par nos cellules que par les bureaux des fonctionnaires. Il est remarquable que la sélection faite par l'argent, intelligence mortifère, ait abouti à donner du pouvoir aux humains les plus serviles, comme des chiens au service du loup de Wall Street. Donc, assez bêtes pour être soumis à un système non viable pour nous, le vivant. Tout le monde s'accorde à dire que cela ne peut plus durer et ne doit pas durer. Si on définit l'intelligence comme la capacité d'une personne à générer de la vie au sens le plus global, force est de constater que l'intelligence est mise derrière des barreaux dans ce monde capitaliste. D'avant les barreaux, de mon point de vue, un spectacle de danse traditionnelle se jouait. Ce divertissement populaire avait pour titre « La valse politique ». J'ai commencé à être détenu le 20 avril. Nous sommes le 23 avril 2012 quand j'entre dans la cellule de Ngaoundéré. Et Sarkozy, ami de toujours de Bolloré, était le président des Français pour encore quelques jours. La présidentielle française battait son plein et attirait l'attention. Cependant, en Afrique, une purge était déjà en cours. Les décideurs mis à la tête de la région par le régime néocolonial étaient en train d'être changés. Ces hauts fonctionnaires s'étaient tellement enrichis en abusant de leur pouvoir qu'ils commençaient à avoir une capacité financière. Elle les rendait plus ou moins contrôlables par les colonisateurs. Pour comprendre ce qui va se passer, la chaîne décisionnelle est importante ainsi que l'enchaînement dans le temps. Quelques semaines avant mon incarcération, le gouverneur que j'avais rencontré un an plus tôt avait été mis de force à la retraite. Ce fut juste après son éviction que mes problèmes avec le préfet de Bagneux ont recommencé. C'est-à-dire, de fin mars au 12 avril 2012, avec l'assaut des militaires sur mon campement. Virer ce gouverneur sera l'une des dernières décisions qu'aura prise Marafa Yaya, le ministre des Affaires territoriales du Cameroun, car il fut démis de ses fonctions quelques jours après, puis jeté en prison. Marafa Yaya était riche, mais beaucoup moins que le président Biya. Pourtant, il pensait pouvoir prendre son poste et devenir le futur président du Cameroun. Ce qui rendait Marafa confiant en son avenir, c'était ses relations avec Bolloré, dont les leviers étaient actionnés par l'opérateur Sarkozy. Pour information, le groupe Bolloré et la société Total sont les deux pieds de la France-Afrique. Chez les colonisateurs, la danse politique, c'est l'alternance. Ce ministre a été présenté à un juge d'instruction le 16 avril 2012. Résultat des élections présidentielles françaises, Hollande. Résultat simultané pour le ministre Marafa, condamnation à 25 ans de prison. Il y est toujours actuellement, et il n'en sortira probablement pas avant un changement de tendance dans les relations internationales ou à la faveur d'une amputation. C'est une certitude, les colosses ont des pieds d'argile, et le pouvoir de la société des multinationales françaises repose sur l'Afrique. Au bout de 5 jours dans cette cellule, une dizaine de militaires surarmés sont venus me chercher. Après m'avoir menotté et installé, bien visible, en haut d'une benne arrière d'un pick-up, ils ont commencé à faire le tour de la ville, avec 2 voitures d'escorte en renfort. Ils voulaient montrer à la population qu'ils avaient attrapé un très dangereux malfaiteur. Alors, il y avait la sirène et les gyrophares. Après m'avoir baladé comme un gibier de potence pendant 1 heure, ils finirent par m'amener à la gare ferroviaire du terminus de Ngaoundéré. Pourquoi autant de tintamarres pour dénigrer un bienfaiteur? Ce paragraphe est sûrement le plus important de ce livre. Je vous demanderai donc toute votre attention dans les prochaines lignes, car c'est la justification de l'introduction de la technique du haut fourneau en Afrique. C'est le cœur de cette autobiographie et la raison de toutes ces aventures. Ma raison de vivre, c'est la vie. J'étais ici pour provoquer un changement de civilisation. Faire le bien ou le mal, c'est une question de vie ou de mort. La décision, en 2 mots, dé et scission, est de définir là où on va couper, la décision. Depuis quelque temps, pour trancher, l'homme utilise le fer, aussi bien pour des arbres que pour des têtes. Pour ce faire, le fer, c'est la matière du pouvoir par excellence. La capacité à produire du fer définit le pouvoir, donc le pouvoir découle du fer. Lors de mes nombreuses discussions, je me suis aperçu que très peu de personnes étaient conscientes de la place capitale du fer dans la civilisation actuelle. Des dizaines de milliers de livres et d'ouvrages en parlent, mais je constate que moins d'une personne sur 1000 en reconnaît la place fondamentale. Beaucoup de gens tiennent des discours orgueilleux, absurdes ou surnaturels sur le pouvoir, la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire. Or, c'est le faire. Ils parlent de psychologie, de Dieu, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais eu la tête sur le bio et leur peur ne vient pas du bio. Je ne vais pas écrire un nouveau livre sur ce sujet, mais j'espère qu'après avoir lu ces quelques lignes, vous serez de cette élite de savants réalistes. Tout d'abord, je vous demanderai de lever les yeux et de regarder autour de vous en essayant de trouver un seul objet qui n'ait pas été produit avec un outil en fer. C'est impossible d'en trouver un. Le fer entre dans la fabrication de toutes les choses. Même si vous avez vu un objet en terre cuite, il a fallu une pelle pour l'extraire et un four pour le cuire. Un objet en plastique, il a fallu un tuyau, un moule en fer pour le produire. Déjà, en 1812, dans le livre « La sidérotechnie » ou « L'art de traiter les minerais de fer pour en obtenir de la fonte, du fer ou de l'acier », Jean-Henri Assenfratz écrivait « Le fer est de tous les métaux celui dont on fait le plus usage, parce que ses propriétés physiques et la modicité de son prix le rendent d'une utilité générale et souvent absolue. » 200 ans après, c'est encore plus vrai, car c'est devenu le matériau indispensable. Les hauts fourneaux ont permis l'émergence de toutes les technologies modernes. Sans eux, pas de pétrole, ni de plastique, ni... D'ailleurs, sans eux, vous ne pourriez pas lire ce livre. La technique du haut fourneau a eu un tel impact sur l'histoire de ces 300 dernières années que si elle n'avait pas été maîtrisée, vous n'existeriez pas. C'est autour du feu que l'humanité s'est organisée. La technique du haut fourneau, c'est le dernier cri en matière de maîtrise du feu. Malheureusement, depuis quelques siècles et surtout depuis quelques décennies, la distribution des richesses produites n'a pas été égalitaire et il y a eu une concentration du pouvoir. C'est ce qui est en train de nous être fatal. Toutes les plus vieilles fortunes sont issues de l'acier, c'est-à-dire que le fer est la base de l'économie moderne. Dans ce système capitaliste, leur seule occupation étant de garder le pouvoir, cet establishment, quitte à éradiquer la vie, maintient l'ordre en diffusant des fausses théories sur le développement. Durable implique une fin, soutenable une soumission. Ils payent des charlatans pour détourner l'attention, imposer de fausses priorités, produire des informations inutiles, pour enfin attirer les humanistes vers de médiocres ou d'éphémères opportunités de faire le bien. L'Afrique en est le meilleur exemple. Comment parler de développement, d'indépendance, d'autonomie, sans production de fer? Les arts, les cultures, les religions, les nations, les systèmes politiques, les partis, l'éducation ne sont que des diversions médiatiques. Or, l'idéal, pour la vie, serait de ne prendre que des décisions permettant à l'humanité de connaître l'infini, et cela dans toutes les disciplines. C'est le bien. Une idéologie que j'applique personnellement depuis 15 ans. Individuellement, cela marche super, tout l'enjeu étant de fonctionner à plusieurs, puis à tous. Pour qu'une organisation puisse prendre systématiquement ce genre de décision, il lui faut une indépendance économique. Le fer étant à la base de tout ce qui est matériel, il est nécessaire d'associer le bien avec les hauts fourneaux. Ainsi, les moyens produits seront consacrés en priorité à l'amélioration de la satisfaction de l'humanité dans sa globalité, et par conséquent, à la préservation de la vie, sans laquelle elle ne pourrait survivre. Le bien, plus la production de fer, c'est un changement de civilisation garanti. Concrètement, pour faire triompher le bien, je m'en suis donné les moyens. Logiquement, introduire la technologie des hauts fourneaux sur le continent Afrique était ma meilleure opportunité, donc le top du bien. Pourquoi commencer en Afrique? Au collège, dans mon livre de géographie, il est noté que l'Afrique est le continent le plus riche en ressources et ses habitants sont les plus pauvres du monde. J'étais ici pour que les Africains puissent utiliser leurs ressources, tout en battant le système qui est en train de les appauvrir, par conséquent de les tuer. Un enrichissement qui ne se ferait pas au détriment de ses voisins, c'est-à-dire de l'humanité. À plus long terme, un principe et des bénéfices qui de proche en proche s'étendraient au globe. Voilà pour la géostratégie. Cependant, il y a plus important que le lieu sur la Terre pour réussir, c'est de bien comprendre le mouvement dans le temps. Nous allons mal. En 2012, j'essayais encore d'orienter le mouvement dans le sens du bien. Aujourd'hui, je le force à aller dans ce sens. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours des circonstances qui s'enchaînent pour aboutir au fait. Prévoir l'avenir, c'est avoir défini la tendance qui s'est dessinée dans le passé. Pourquoi l'Afrique en est arrivée là? Son histoire, d'après moi, mais d'avant moi. Nous, l'humanité, sommes dans la période historique de l'âge du fer. Jésus-Christ ne nous a pas apporté un nouveau matériau, il fut mis au clou. Il y a 400 ans, tout le monde utilisait une technique de fabrication du fer appelée le bas fourneau. À l'époque, la différence de richesse entre les Européens et les Africains était de 20%. Un bas fourneau a une hauteur de 2 mètres maximum. Un haut fourneau a une hauteur de 4,50 mètres minimum. Il n'existe pas de moyen fourneau, car le fer qui en sortirait serait inutilisable. C'est un problème physico-chimique. Pendant des milliers d'années, bien que la logique poussait les métallurgistes à vouloir les plus gros fours possibles, la hauteur maximum de 2 mètres fut une limite partout dans le monde. Si cela ne fonctionne pas avec un four de 3 mètres de haut, pourquoi en construire un de 5 mètres? Les Espagnols qui ont vu celui qui a construit le premier haut fourneau ont dû le traiter de fou. Les raisons qui ont poussé cet homme à construire un fourneau d'une telle hauteur restent encore un mystère. Les avantages et la réussite économique de ses produits lui ont sûrement dû faire entrevoir la conséquence de sa découverte. Ce fut dans les premiers temps le jackpot qui fera tomber les rois. À l'origine, la technique est très simple. Il suffit de changer légèrement la forme intérieure du bas fourneau et de lui donner une hauteur dépassant 4,50 m. La technique du haut fourneau se répandit très vite en Europe car elle demande des outils très basiques. Pelle, pioche, hache, marteau, burin. Une fois en fonctionnement, le four permet de reproduire et de produire une infinité d'autres outils. Une partie d'entre eux sont destinés à la vente, mais d'autres sont produits pour améliorer et perfectionner le four. Ce qui va encore augmenter la production d'outils, d'où plus d'améliorations, d'où plus d'outils. Si bien qu'en 150 ans, elle déclencha la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, elle permit des améliorations gigantesques dans tous les domaines. Militaire, transport, agriculture, imprimerie, papeterie. Pendant ce temps, l'absence d'arbres au niveau du Sahara et les guerres ont fait barrière à la diffusion de cette technique vers l'Afrique. En 1790, en une semaine, un Africain produisait 1 kg de fer. En une semaine, un Européen produisait 700 kg de fer, sous forme de fonte. Autrement dit, le fer était 700 fois moins cher en Europe qu'en Afrique, où il était produit 700 fois plus vite en Europe. C'est la différence entre la taille d'un lapin et d'un gros bœuf. Entre la technologie d'un stylo et d'un ordinateur portable. Entre la vitesse de la marche et d'un avion de chasse. L'écart d'aujourd'hui a été généré il y a 200 ans, avec la technique des hauts fourneaux. À cette époque en Afrique, les explorateurs avaient laissé la place aux exploiteurs. Le commerce de denrées agricoles n'étant pas lucratif, les commerçants européens proposaient aux agriculteurs africains de les fournir en esclaves. L'agriculture est un secteur d'activité très friand en outils ferreux, pelle, pioche, machette. Dans les comptes des hauts fourneaux français de l'époque, il est inscrit qu'une partie de la production était consacrée à la réalisation de lest pour les bateaux du commerce triangulaire. Sur le trajet de l'Europe vers l'Afrique, les bateaux, s'ils n'étaient pas chargés, étaient très exposés aux problèmes de navigation. C'est pour cela que le fond de leur cale était chargé de chaînes, d'objets et de poids en fer. Ensuite, ils les remplaçaient par le poids des esclaves, puis par le poids des produits américains, puis ils recommençaient avec du fer. Sur les côtes africaines, les esclaves, au total plus d'1 milliard de kilos d'humains, étaient échangés contre du fer. Le fer ne coûtait pratiquement rien aux sociétés européennes. Et en Afrique, le fer valait de l'or, car sa difficulté de production le rendait aussi précieux qu'un métal rare. Ce commerce inéquitable a eu plusieurs effets. Le premier étant la fracturation de la société africaine par l'augmentation des clivages entre les corporations, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs et forgerons. Il y a toujours eu de l'esclavagisme en Afrique, mais ce fer a perturbé grandement le commerce interne car le pouvoir venait de ceux qui maintenant collaboraient avec les Européens, une forme d'évasion énergétique du continent. Les agriculteurs, autrefois dominés par les éleveurs, se sont mis à les chasser pour les ramener aux ports négriers d'où ils revenaient avec le fer des bateaux. Le deuxième effet, encore plus catastrophique, c'est que ce fer extrêmement bon marché et en grande quantité a éradiqué la production africaine de fer. À l'heure actuelle, il n'y a aucun haut fourneau africain alors que ce continent regorge de minerais de fer, des milliards de tonnes. Encore plus grave, aujourd'hui il n'existe plus d'Africains ayant les connaissances nécessaires pour la fabrication et l'utilisation d'un four, même un de leurs bas fourneaux originels. Cela aurait été un jeu d'enfant d'apprendre, en un mois ou deux, la technique du haut fourneau à un métallurgiste ayant derrière lui une centaine de générations d'expérience du bas fourneau. Deux ou trois trucs en plus, et c'est quasiment la même chose en plus grand. Malgré la disparition de ce savoir-faire, je savais la population apte à le réacquérir et à assimiler quelques innovations. J'étais ici pour faire ce transfert et ce retransfert de technologie. Pour ma part, ce projet apporterait tellement de bénéfices en vie que j'étais prêt à mourir pour qu'il se matérialise. Et je le suis toujours. Un acte qui bouleverserait l'ordre mondial, mais qui dans un premier temps mettrait fin à la France-Afrique. Voilà pourquoi des militaires me faisaient monter dans ce train. La question à ce moment précis était de savoir si le gouvernement et ceux qui le manipulent allaient me permettre de continuer. J'étais en chemin vers la réponse et prêt à tout faire pour l'obtenir. Même si pour la connaître, je devais supporter d'être enchaîné dans le train entre Ngaoundéré et Yaoundé, où je ne savais pas encore que j'allais être incarcéré pendant 3 mois et demi. Officiellement, je devais être présenté au délégué général à la Sûreté nationale. Au niveau pouvoir, le numéro 2 après Paul Biya, président du Cameroun. Malheureusement, 8 heures de train attaché au plancher, c'est long, et on a le temps de réfléchir. Passons sur le fait que ce chemin de fer appartient à Bolloré, France, que la dizaine de militaires portaient des uniformes occidentaux, que leurs pistolets mitrailleurs, lanceurs de fer, étaient belges. Et ce, pour nous intéresser uniquement à la seule chose que j'avais à lire. Moi qui étais venu pour briser les chaînes de l'Afrique par la production de fer, je me retrouvais avec des menottes où était gravé « Régie de Paris ». Humiliation suprême. Définition d'une régie. Mode de gestion d'un établissement public chargé de la gestion d'un service public. C'est l'illustration parfaite de la France-Afrique. Mode de gestion égale la contrainte. D'un établissement public égale colonie. Chargé de la gestion égale maintien de l'ordre, riche, pauvre. D'un service public égale le public servi ici, étant marqué sur les menottes les Parisiens. Donc, traduction de l'inscription frappée dans le fer, contrainte des colonies à maintenir l'ordre, riche, pauvre, au service des Parisiens, sous-entendu leur multinationale. La France-Afrique. Preuve par l'image qu'il manquait un mot dans ce qui était marqué dans mon livre de géographie, issu de l'éducation nationale française. Pour rappel, l'Afrique est le continent le plus riche en ressources et ses habitants sont les plus pauvres du monde. La réalité, c'est que l'Afrique est le continent le plus riche en ressources et ses habitants sont maintenus les plus pauvres du monde. Est-ce une omission volontaire, une erreur ou un manque d'encre? Il est vrai que des élèves auraient soulevé la question. Maintenu par qui? La Régie de Paris? Toujours est-il qu'à mon arrivée à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun était en déplacement professionnel à Paris. Lieu où d'ailleurs ses enfants faisaient leurs études. Moi qui suis un spécialiste de la sûreté de fonctionnement, j'aurais bien voulu savoir la raison qui le poussait à assurer le fonctionnement d'un système qui produit de la mort. Sans trop spéculer, le débat aurait porté autour de ses enfants. Ces enfants ont-ils une valeur supérieure? Scientifiquement, Cela porte le nom d'eugénisme. Ceux qui sont bien nés. C'était la base de toutes les théories racistes. Le néonazisme et le néocolonialisme ont les mêmes parents et son frère jumeau. Alors dans la famille des ogres, vous trouverez tous les hauts fonctionnaires africains. Ne voulant pas ou ne pouvant pas discuter, ses collègues subalternes, les mangés, m'ont baladé de bureau en bureau, où j'ai répondu à toutes leurs questions. 12 heures plus tard, je fus accueilli par un de leurs très nombreux opposants politiques, Félix, dans la tristement célèbre cellule des enquêtes en cours du commissariat central numéro 1 de Yaoundé, Cameroun. J'écrivis ce texte dans la pénombre au cours de mes 3 premières semaines. Je vous le livre tel qu'il a été écrit, in situ, et sans en avoir rien modifié. Encore quelques pas et vous serez dans la cellule. Ils ouvrent la porte et vous jettent dedans. C'est sombre, mal éclairé par un néon à 5 mètres du sol. Vous comprendrez plus tard que cette lumière ne vous est pas destinée. Ce néon est pour la cellule des femmes. C'est grâce aux rayons qui traversent une grille remplie de toiles d'araignées que vous percevez les formes et les couleurs. Cette pièce poussiéreuse fait 5 mètres sur 6 mètres. Sa dalle est défoncée par les réparations des canalisations qui sont aujourd'hui hors d'usage. Au-dessus, il y a 2 mètres de mur gris foncé. Ensuite, le reste et le plafond ont dû un jour être jaunes. Les passagers ont entièrement recouvert les parois de tags. Certains ont gravé le béton. D'autres moins patients ou moins outillés ont fait leurs inscriptions avec des noyaux ou à base de merde. Je laisse aux archéologues du futur le soin de trouver par quels moyens ils ont pu étaler cette matière fécale. Mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne sa disponibilité, il y a un gros stock dans l'ancien WC. Quand vous en ressentirez le besoin, vous chirez dans un petit sac en plastique, puis vous lancerez le tout dans le haut du WC. Cette pratique dure depuis assez longtemps pour commencer à remplir cet espace sans toit de 2 mètres sur 2 et de 3 mètres de haut. En l'absence d'évacuation, la merde s'entasse contre la porte et un grand malheur s'abattra sur celui qui voudra l'ouvrir. Mais, malgré l'usage, cette grosse boîte arrive à contenir d'une façon étonnante les odeurs car celle qui domine est la pisse. En entrant, vous reconnaissez à votre première inspiration cette odeur piquante, volatile et acide. Dire simplement que cette odeur est forte serait mentir, car elle peut vous obliger à vous asseoir pour retrouver de l'air sain et respirable. Plus de 200 litres d'urine fermentent dans des bouteilles en plastique posées autour du WC. À votre deuxième inspiration, vous distinguez les senteurs d'ordures stockées à votre droite, puis celles des zones transpirantes de l'autre côté. En l'absence de circulation d'air, la chaleur augmente la sensation d'asphyxie. Cette haute pièce avait été construite pour stocker du cacao. Comme cette denrée ne nécessite pas d'aération, les Allemands n'en avaient pas fait. La langue de Jules Verne remplaça celle de Freud. Mais aujourd'hui, comme hier, et contrairement à l'air, le son circule très bien. Entre les cellules des enquêtes, des femmes du parquet et le poste de police, jusqu'à 100 personnes discutent dans cet espace fermé, grand comme un terrain de tennis. Les cris, les pleurs et les paroles rebondissent sur des murs. Le résultat est une résonance assez ample pour être douloureuse. La seule période relativement calme est entre 23h et 4h. À ce moment-là, seul trouble la nuit, les bêtes qui fouillent les ordures et les appels radio de leurs collègues policiers qui, eux, cherchent dans les rues. Prochainement, il y aura un bruit sourd, puis un très long silence. Le bâtiment va s'écrouler car les poutres commencent à flamber, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à supporter le poids qui est au-dessus. Mais présentement, les gens survivent en dessous. Et pour au moins rester en vie, ils se sont organisés sommairement avec un côté sale et un côté propre. Entre les deux, il y a une bouche d'égout où l'eau est récupérée à la sortie d'une canalisation cassée. Sa provenance est inconnue. Néanmoins, certains indices nous font penser que c'est une fuite du réseau de distribution. Potable ou pas, elle est bue, et cela même si l'évacuation a collé et le tunnel des rats. Une fois rentrés, ces rongeurs pestiférés se jettent sur leur buffet, sur le côté sale, avec les cacas, les urines, les ordures et le poste de police. Mais c'est aussi le côté des bêtes qui regroupe les cafards, les moustiques, les tiques et les policiers. Du côté propre, vous voyez les humains, la nourriture, les stocks d'eau et des sacs plastiques étalés sur le sol. Ces hommes se couchent tout en mettant leur tête le plus éloignée possible du côté sale, comme si la bêtise était contagieuse. Enfin, vous vous retournez et voyez ce qui capte toute l'attention des détenus. Elle est là, immense du point de vue de l'esprit. Ils la regardent comme les plagistes regardent la mer. Il n'y a pas assez de papier sur terre pour que je puisse vous décrire cette porte de fer. Encore quelques pas et vous serez dans la cellule. Il ouvre la porte et vous jette des dents. Qui sont ces animaux cannibales qui vous jettent dans la cage aux humains? Regroupés sous le terme de police, ils sont les gardiens de la paix des riches. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un pauvre faisant l'objet d'une opération de maintien de l'ordre. Un plus riche vous accuse. Votre crime est de ne pas avoir eu assez d'argent pour corrompre les bêtes. Leur bénéfice n'est pas dans la vérité. Mais ils doivent trouver un coupable. Ils se permettent tout pour vous transformer de suspect en coupable. Le mensonge est leur langue. Souvent, ils écrivent de faux procès-verbaux et cherchent à prolonger votre garde à vue. Mais attention, pour obtenir leur coupable, ils torturent. S'il y a 10 personnes enfermées, au moins une a déjà été torturée. Ces lâches vous attachent les mains dans le dos, ainsi que les pieds. Ensuite, ils resserrent les menottes en les écrasant avec leurs chaussures. La compression des nerfs a pour effet de provoquer une douleur continue. Après, ils se servent des câbles téléphoniques pour vous fouetter, et ce jusqu'à 2 heures de temps. Ils frappent surtout la plante des pieds. Résultat, même si vous êtes innocent, vous avouez pour que les coups s'arrêtent. La nuit, vous pouvez aussi entendre des femmes subir des sévices dans cette salle. Au commissariat central de Yaoundé, la torture se fait dans une pièce à gauche en entrant, appelée le bloc opératoire. Par contre, s'il vous amène à droite, vous allez vers les cellules. Votre dernière chance est de gaver de billets le gardien. Alors, si vous payez, ce Cerbère vous laissera dans le couloir ou la cellule des femmes. Sinon, les bêtes vous jettent ici, et une fois rentrés dans la cellule des hommes, vous pouvez toujours crier, ces déserteurs ne reviendront pas vous chercher. À moi, oh, à nous, gardiens. Les bagarres sont fréquentes, surtout quand un nouveau est réceptionné. Les gardiens savent très bien ce qui se passe, au point qu'ils donnent même leurs consignes. À celui-là, vous lui prenez tout ce qu'il a. Dedans, les bousculades et les fouilles sont la monnaie courante, à condition qu'elles soient faites sans trop de bruit. Mais supposons que vous, le nouveau ou la victime, arriviez à tambouriner sur la porte en appelant à l'aide. Cela va déranger la bête en uniforme. Alors, pour te faire taire, elle viendra en personne finie de te bastonner. La police n'est pas là pour la vie, mais pour trouver de l'argent. Pour en absorber, il se sert ici du pouvoir de la clé, enfer. Tout ce qui passe par la porte, il morde pour en arracher un morceau. Par exemple, pour sortir, la façon la plus courante est d'utiliser ses relations. Pour faire recharger sa batterie de téléphone, il vous suit 500 francs CFA, soit 10 fois la normale et sans payer le courant. Pour manger, les détenus ne sont pas nourris. La boulangerie est à 100 mètres. Il vous aspire 500 francs CFA pour soi-disant prendre le taxi pour aller acheter le pain. C'est sans limite. Si vous acceptez de les engraisser, vous pouvez sortir boire des bières avec des amis. Ou carrément rentrer chez vous, à condition que vous reveniez au petit matin avant la relève. Ni vu, ni connu. Les policiers ne sont pas regardants sur l'origine de l'argent. À la fin du mois, ils ont englouti plus d'argent de ceux qui sont en charge de combattre que de salaire. Mais les riches qui arrivent jusqu'en cellule sont rares. Le quotidien de la bête consiste donc à piquer les liquidités des pauvres. Pour le faire, ils sont capables de mettre en péril les vies dont ils sont responsables. Les drogues, ils rationnent. Pour se satisfaire, les dépendants au tabac et à l'alcool sont obligés de se transformer en de véritables racketeurs. Les gardiens se réservent le monopole de la vente de ces poisons. Dans un commerce juteux, les fonctionnaires dealers multiplient les prix par 2, 3 ou 4. C'est par ce biais que ces commerçants mortifères arrivent à gratter la moitié de l'ensemble de l'argent entré en cellule. La faim, ils affament. Afin de ne pas payer ces charognards, les prisonniers font faire leur commission par leurs visiteurs. Pour stopper cette pratique qui ne leur apporte rien, les gardiens empêchent les transmissions d'argent. Après quelques heures de pénurie, certains cèdent et acceptent de payer les 500 francs de taxes pour manger. Mais la faim n'est pas la pire des souffrances. La soif, il coupe l'eau. Au bout de 24 heures, c'est lui qui n'a que 5 francs CFA essaie d'acheter une gorgée. Lorsque le réseau d'eau ne fonctionne pas, les prédateurs en uniforme guettent l'argent qui va sortir pour l'eau minérale. Dès que l'animal entend « Commission avec taxi !» il s'approche car il flaire qu'il va se mettre un billet dans la poche. Il écoute le prix que vous proposez de payer. Si la somme est assez dodue, il prend sinon, il vous fait patienter. Bien sûr, les détenus se rebellent. Ils font le boucan. Ils frappent la porte avec leur dernière force et crient jusqu'à leur dernière goutte de salive. Dans ces moments-là, les bêtes montrent les dents et aboient. Vous n'avez qu'à manger vos cacas et boire vos urines. Sans nul doute, vous avez remarqué que j'assimile les policiers aux bêtes. Mais de mes 36 ans d'expérience, je vous promets que s'il y avait une échelle avec au sommet l'humanisme, la police ramperait au sol à la frontière entre l'humain et la bête. Certains seraient même en train de creuser. Encore quelques pas et vous serez dans la cellule. Il ouvre la porte et vous jette dedans. Dedans, vous faites face à une dizaine d'hommes. Le danger est réel. Derrière vous, la porte se referme dans un bruit sourd. Tchac! Le cadenas en fer est mis. Maintenant, c'est d'homme à homme. Il se lève torse nu et s'approche de vous. Certaines frappent leurs poings contre leurs paumes pour simuler le bruit des coups. Des mains commencent à vous tirer et d'autres à vous pousser vers un coin de la cellule. Ils parlent tous en même temps. Vite tes poches, tu as un portable. Le droit des cellules. C'est moi le chef des cellules. On va te fouiller. Le stress monte. Votre attitude à ce moment-là a une grosse incidence sur votre future condition de vie. Pour vous en sortir sans dommage, il faut que vous sachiez ce qu'est le droit des cellules. C'est une somme variable que vous versez à l'entrée dans une cellule. Elle devrait servir à acheter à manger à ceux qui n'ont pas d'argent, ainsi que les biens communs, savon, papier hygiénique, bougies, etc. Le chef de cellule, c'est souvent le plus ancien dans la cellule. Cependant, certains chefs détournent l'argent à leur profit, cigarettes, alcool et bien d'autres, et partent avec la caisse. En entrant, la bonne attitude est d'avancer au centre de la pièce. Vous lancez d'une voix sûre « Bonjour à tout le monde » et demandez « C'est qui le chef de cellule ?» Une fois connu, s'asseoir avec lui et expliquer d'une voix assez forte pour être entendu de tous le pourquoi ils vous ont jeté ici. Ensuite, sortez tout ce qu'il y a dans vos poches. Vous l'étalez entre vous et le chef des cellules. Enfin, vous donnez 500 francs CFA en disant que c'est pour acheter à manger pour toute la cellule. Après avoir récupéré vos affaires, allez vous asseoir où ils vous indiqueront. Voilà, c'est fini le stress, Tom. Reposez-vous et dormez bien. Par contre, il y a deux attitudes à ne pas adopter. La première est la peur. Elle domine 50% des arrivants. Dans ce cas, le nouveau veut rester près de la porte ou pire. Il se retourne et appelle le gardien en s'accrochant au barreau. Quand il comprend que ce lâcheur ne reviendra pas, il dit « Ne me touchez pas, je suis le fils d'eux. » Les habitués de cette scène savent qu'ils vont pouvoir tout lui prendre, quitte à le bousculer un peu. La deuxième est la résistance. Seuls 10% des personnes qui arrivent choisissent de se battre pour ne pas être fouillées. Une bonne partie d'entre eux sont sous l'effet des stupéfiants ou de l'alcool. Ils ne savent pas qui ils ont en face d'eux. S'il n'y a plus à manger dans la cellule, une personne isolée ne peut pas gagner face à des affamés. Elle finit sa crise d'autorité en ayant tout perdu et très isolée. Autrement dit, elle risque d'avoir du mal à manger pendant le reste de son séjour. Lorsqu'on analyse ce qui se passe dans la cellule, on se rend compte de qui est à l'origine de cette violence. Comment peut-on laisser des gens enfermés pendant des jours sans eau, sans nourriture et sans argent? Même le gentil doit se transformer en braqueur pour vivre. La police le sait et entretient la violence, car la cellule doit faire peur. Elle doit être peuplée de gens qui obéissent à leurs instincts bestials. La bête veut ramener le fonctionnement à l'intérieur, à une hiérarchie basée sur la force physique. C'est comme cela qu'elle gagne son argent, en faisant croire que si elle n'est pas là, c'est la loi de la jungle et l'injustice totale. Or, c'est elle qui essaye d'imposer ce fonctionnement. Ce que la bête veut, c'est qu'un nouveau qui arrive avec une haine justifiée de l'administration camerounaise sorte en ayant perdu tout esprit de rébellion et se soumettre à leur autorité. Malheureusement, il y a souvent un ou deux détenus qui collaborent avec la police. Force est de constater que les ethnies Bamoun, Bassa et Béti sont plus complices avec les gardiens que les gens du Nord ou de l'Ouest. Ils sont plus agressifs, comme s'ils voulaient que leur domination du pays ne s'arrête pas à la porte de fer. La description que j'ai faite jusqu'ici des relations humaines à l'intérieur est celle que tout homme sortant de prison vous fera. Il a intérêt à vous faire croire qu'il sort de l'enfer. Mais il existe une autre réalité. On peut la résumer en une forme de solidarité entre enfermés ou une résistance naturelle à la bestialité. Prenons quelques chiffres. Une fois passé les 10 minutes que dure le test d'entrée, vous voyez que l'ambiance est une harmonie entre manger, dormir et volonté de sortir. Les 95% du temps, c'est calme. Ne vous inquiétez pas pour les quelques bagarres, environ une par jour, car elles sont celles des frères qui se chamaillent. Les coups ne sont pas donnés pour blesser. C'est de l'intimidation. De toute façon, il n'a rien à gagner ici. Même pas les faveurs d'une femme. De plus, une fois sur trois, vous entrez en y trouvant des gens qui ont aboli le droit des cellules pour un système participatif. Alors, le passe-temps, c'est de discuter. Vous vous apercevez alors de la richesse de la cellule. Elle se trouve dans la diversité des gens qui y passent. La raison qui les a amenés ici est souvent de l'ordre de la malchance. Les arrestations sont tellement arbitraires que vous découvrirez qu'il y a toujours entre 50 et 100% d'innocents. La plupart marchaient simplement dans la rue quand ils ont été kidnappés par la police. Les autres, ils sont là car un plus riche qu'eux se sert de son pouvoir pour les embêter. Les motifs sont fantaisistes et juste pour mettre un titre au procès-verbal. Par conséquent, parmi les soi-disant voleurs, les sans-papiers, les vendeurs ambulants, vous pourrez y trouver quelques personnes étonnantes, comme des enfants de 14 ans, des vieillards de plus de 70 ans, des malades mentaux atteints de schizophrénie et d'Alzheimer, ainsi que des syndicalistes et des opposants politiques. L'ensemble de ces humains sont des otages de l'administration qui essayent de leur prendre de l'argent. Autrement dit, c'est une association de malfaiteurs, riches et l'administration, où les victimes de cette escroquerie sont incarcérées. Je vous invite à venir voir. Si vous ne connaissez pas le chemin, vous avez juste à faire remarquer à un policier qu'il ne fait pas bien son travail. Il vous escortera. N'ayez pas peur et soyez le bienvenu. Un jour, vous verrez dans un coin d'une cellule qu'une discussion fera jaillir l'étincelle de la révolution. Sa lumière éclairera les murs, fondra la porte de fer, chassera les parasites qui la gardent, brûlera les vampires de la population. Et elle fera rayonner la vie afin que nous, humanité, connaissions l'éternité. J'ai eu beaucoup de mal pour trouver du papier. Mais grâce à la solidarité entre victimes, j'ai pu produire 5 exemplaires du texte ci-dessus, ainsi qu'un résumé de l'histoire qui m'a mené dans cette cellule. Ensuite, j'ai envoyé par le biais de camarades de détention un exemplaire au siège des droits de l'homme, à l'ambassade du Nigeria, à l'ambassade d'Angleterre et celle des États-Unis. J'ai même fait publier un article dans un journal de Yaoundé, L'Épervier. Félix, le chef de cellule à mon arrivée, sorti après plusieurs heures de torture, des chantages familiaux horribles et 3 semaines de séquestration. Heureusement qu'il avait reçu du soutien de la diaspora. Il s'était organisé pour faire une pression médiatique. Des dizaines de personnes avaient manifesté avec sa photo face à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Des journalistes se sont intéressés à son cas, ce qui provoquera sa libération. La notoriété de Félix venait du fait qu'il était le fils d'un sécessionniste anglophone très connu et mort il y a quelques années. Après avoir harcelé son père, les services secrets, SS, accusaient maintenant son fils d'avoir pris part aux émeutes de 2008. En réalité, les SS le maintenaient en détention comme otage, au cas où il y ait des nouvelles émeutes lors de la fête du 50e anniversaire de l'indépendance. Oui, l'hypocrisie a sa fête nationale dans tous les pays africains, mais elle est célébrée chaque jour. Pragmatiquement, au pays des crevettes, Cameroun, un des sujets de discussion les plus populaires est la partition, c'est-à-dire couper le pays en trois. Les anglophones protestants à l'ouest, les catholiques francophones à l'est, les musulmans au nord. Bien que d'après mes sondages, ses habitants trouvent cela très judicieux, le gouvernement mis en place et maintenu depuis plus de 50 ans ne veut pas en entendre parler. Précision. Il ne veut pas que l'on en parle et veut faire taire la logique. Une logique qui devrait d'ailleurs être reprise au niveau continental, car comment fédérer des ensembles illogiques? Un spécialiste des choux ne peut pas bien diriger un peuple vivant de la culture de la carotte. Il serait logique de commencer par créer des sous-ensembles individuellement bénéficiaires en vie. Cela en donnant à chaque sous-ensemble l'autonomie et les moyens d'exclure, d'entre ces éléments, toute forme de priorisation autre que le bien. Pour ma part, je pensais que j'allais sortir rapidement. C'était une cellule de garde à vue, donc d'après la loi, un humain ne peut pas y être détenu plus de 3 jours sans avoir été présenté à un juge. Je vais faire plus de 100 jours, dont 75 dans cette cellule, et sans jamais voir de juge. Il est vrai que je suis un des recordman. Le doyen des gardiens de l'injustice m'a dit qu'une personne, il y a 5 ans, aurait fait quelques jours de plus. Pas ma table. Je suis fier d'être un des spécialistes de ce lieu. Au bout de 2 semaines, j'étais le chef de cellule, et pendant 2 mois et demi, au vu du nombre de passages, j'ai écouté 500 histoires différentes. Je pourrais écrire plusieurs très gros livres avec celle-ci. Pour mon autobiographie, j'ai donc dû faire des choix. J'ai choisi de vous raconter 5 histoires, donc 1% de ce que je sais, mais je ne vais pas choisir les plus sensationnelles. Je ne suis pas un vendeur d'espace publicitaire. Je vais sélectionner celles qui peuvent vous donner la meilleure image de la réalité ou de l'étendue de la malfaisance. Sachez cependant qu'il se passe d'autres choses dépassant non seulement votre imagination, mais le concept même d'imaginable. Le commissariat. Environ un soir par semaine, la police encercle un quartier et arrête tout le monde. Si sur votre carte d'identité, il n'y a pas inscrit le nom de la rue où vous êtes contrôlé, ils vous embarquent. Motif, vagabondage nocturne. Votre mari, père, frère ou fils passera au moins une nuit avec nous et votre femme, mère, sœur ou fille la passera dans la cellule des femmes. Effectivement, dans le lot, il y a un petit pourcentage de dealers, de voyous, de putes, de mères maquerelles, ainsi que leurs clients, mais en pratique, c'est comme si des bergers enfermaient ensemble et volontairement des loups avec des moutons. Chose étonnante pour moi, en entendant les bruits provenant de la cellule des femmes, je peux affirmer qu'elles étaient plus violentes entre elles que nous, les hommes. Cependant, la séparation des sexes posait un problème au commissariat. Ces nuits-là, il y avait beaucoup plus d'argent dans la cellule des hommes que des femmes. Or, le lendemain matin, après la vérification de son identité, toute personne raflée et payant 5 000 CFA doit être libérée. Le gros souci de ce racket légal était que les prostituées, étant arrêtées en début de nuit, n'avaient pas encore récupéré cette somme. Donc, dans une logique de profit, les nouveaux macros ou propriétaires ont décidé d'enfermer tous les raflés hommes comme femmes dans la cellule des femmes. Prostituées ou pas, les viols, les séances de matage et les passes se passaient à 50 cm de ma tête de l'autre côté du mur. J'ai à chaque fois les larmes qui me montent aux yeux quand j'y repense. Je peux vous dire qu'un homme qui est torturé ou une femme qui est violée pousse très exactement les mêmes cris. C'est indissociable, un mélange de supplications, de sanglots, de gémissements, de halètements et de reniflements. Le plus dur, c'est d'essayer de dormir à côté. Quand vous fermez les yeux, les sons sont encore plus forts. Ça vous captive, vous êtes obligé d'écouter la souffrance. Vous la vivez. Le mur n'est plus là pour vous retenir, mais pour vous empêcher d'intervenir. Ce qui vous pénètre pour toujours, c'est la haine. Le policier honnête. Lors de ces 4 ans en Afrique, j'ai été en contact avec plusieurs milliers de fonctionnaires et aucun n'était honnête, hormis celui-là. Un jour, un membre du corps de la tristement célèbre brigade d'intervention rapide, BIR, déjà salué, sort de l'école après 2 ans de formation intensive. Il roule en taxi dans Yaoundé, vers sa première affectation. Le taximan double par la gauche une file de voitures et tombe sur des agents de la circulation. Ils sortent violemment le chauffeur et commencent à le bastonner. Tel un Thierry Lhermitte au début du film Les Ripoux, le jeune Beer fraîchement diplômé sort de la voiture et s'interpose. Il paraît qu'il a dit « On ne traite pas les gens comme ça ». Le taxi a payé et est reparti, mais sans son passager. Le militaire, pour son acte humaniste, fut amené au commissariat central numéro 1. Il le fit rentrer dans notre cellule en fermant rapidement la porte derrière lui. Il écarquilla les yeux en voyant où il venait d'être enfermé. L'odeur, la crasse et la population. Il était en tenue de militaire, assez grand, musclé, mais nous ne lui aurions rien fait. À ce moment-là, nous étions en mode participatif. C'est-à-dire que chaque arrivant, après lui avoir expliqué à quoi allait servir l'argent, me donnait ce qu'il voulait. Bien sûr, nous avions eu un petit sourire quand nous avons vu ce qu'il nous envoyait. Il a pris peur. Il se retourna et commença à frapper la porte. En résumé, il disait « Mon colonel va venir et il va tous vous virer. Moi j'ai une bonne formation, pas comme vous, policier de... » Je lui ai calmement fait remarquer que c'était pas contre la porte qu'il fallait frapper et que beaucoup d'autres avant lui avaient essayé. Mais il continua. Un policier de... ouvrit la porte et lui mit une claque. Pas une petite tape. La claque qui claque. Le militaire vacilla et s'écroula sur le sol. J'avais devant moi, inconscient, le seul fonctionnaire qui, à ma connaissance, avait fait un acte humaniste. Ensuite, il resta 3 jours avec nous, sans dire un mot, puis est sorti peut-être rejoindre sa colonne, son rang, sa place. Pourtant, sache que ce jour-là, je t'aurai serré la main. L'homme riche. 1% des hommes qui entrent en cellule sont très riches. Ils sont issus de l'oligarchie mise en place par les colonisateurs. Un jour est entrée une personne dont le nom de famille était Mitterrand, issu par filiation du fils de l'ancien président français. Sa famille possède entre autres de très grandes plantations d'arbres à Ngaoundéré, autour du terminus des trains de Bolloré. Les Bolloré et les Mitterrand se connaissent de longue date. Loin de l'hémicycle, les intérêts, droite-gauche, se confondent. 3 générations après François, sa couleur de peau était plus pigmentée que la mienne. La couleur de peau n'a rien à voir entre être ou ne pas être un colon. C'était un colon. Il avait plusieurs nationalités, entre autres britanniques. Au téléphone, il gérait depuis la cellule des affaires à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il était accusé d'abus de confiance, plainte retirée après avoir fait parvenir 15 000 euros en liquide à son créancier. Il resta 2 jours avec nous, et lors de nos discussions, il m'expliqua comment se passait la corruption pour les hommes d'affaires en Afrique. La corruption est telle qu'elle bloque toute initiative du peuple, mais lorsque le volume d'argent est suffisamment important, une personne en lien avec les autorités vient vous voir avec un numéro de téléphone et un numéro de compte IBAN. Très souvent, un compte en Suisse, m'a-t-il précisé. Si vous versez chaque mois la somme convenue, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone. Pour le moindre problème avec un fonctionnaire ou une démarche administrative, vous appelez le numéro de téléphone. Dans l'heure qui suit, vous aurez le document ou l'autorisation, et cela sans verser un CFA. Si un jour vous vous êtes demandé comment les comptes occultes étaient alimentés, ceci en est une des façons. Pour les riches, la corruption c'est pratiquement la liberté absolue et la dernière marche avant le paradis, fiscal, où ils jouiront à l'infini non seulement des frontières de l'enfer, mais aussi de ceux qu'ils y ont enfermés. Leurs domestiques et leur nourriture, ce sont les nationalistes. Si un jour ce Mitterrand a les mains propres, je les lui serrerai. L'homme pauvre. 95% des hommes qui entrent en cellule sont très pauvres, avec moins de 2 ou 3 euros pour vivre par jour. El Hadji Moïse était l'un d'entre eux. Il m'a raconté son histoire. Une enfance difficile dans la ville de Garoua, battu et exclu par son instituteur, violé par son beau-père, il fut poussé par la pauvreté dans la capitale. Obligé de voler pour survivre pendant 2 ans, il fut arrêté et il passa plus de 2 ans en prison. Au moment de sa 2e arrestation, il avait 20 ans et il venait de sortir de prison. C'est-à-dire qu'il profitait de sa liberté depuis 2 semaines, avec lunettes de soleil, chemise ouverte, la frime classique des jeunes American lovers. Il se baladait dans une rue où il y avait beaucoup de vendeurs ambulants. D'un seul coup, tout le monde se met à courir. Lui, non, il n'avait rien à se reprocher. La police contrôle son identité et constate qu'il vient de sortir de prison. Ils avaient donc attrapé celui qu'ils allaient rendre coupable, même s'il avait été arrêté à 800 mètres des faits, sans aucune preuve matérielle ni témoin. S'il ne remboursait pas le téléphone volé, il lui promettait un retour immédiat en prison. C'est une pratique systématique. La plupart du temps, ils en capturent plusieurs comme lui. Ensuite, ils doivent s'arranger en cellule pour assembler la somme demandée. Moïse, lui, était le seul inculpé pour cette affaire. Mais d'autres avaient dû corrompre avant lui. Après négociation de 1000 euros ramenés à 100 euros, il fut obligé de téléphoner à son frère, qu'il n'avait pas revu depuis plus de 5 ans, pour qu'il lui envoie les 50 000 CFA exigés. 2 jours après, un militaire fait l'appel des personnes qui vont partir au tribunal et être présentées au parquet. Cela veut dire que le soir même, tu peux te retrouver en prison pour le reste de ta vie. Ella Jim Moyes fut pris de terreur quand il entendit son nom. Il faut dire que j'ai entendu beaucoup de choses sur la prison de Kondangi, quartier 7, Kosovo, et ce n'est pas un lieu où vous voudriez retourner. Il fit une chose que je pensais infaisable. Il a ouvert la porte du WC et a plongé dans nos excréments. Il s'est badigeonné de nos merdes, de la tête aux pieds. Quand la police a vu qu'il manquait à l'appel, ils sont venus pour le chercher. Dégoulinant de merde, il a couru sur le militaire qui était dans l'encadrement de la porte. Le fonctionnaire écarquilla les yeux et a fui en laissant la porte ouverte. Cet intouchable alla jusque dans le hall du commissariat où un attroupement se créa. Il y avait plusieurs civils auxquels il a pu expliquer son cas. Cela obligea la commissaire principale à enquêter sur son dossier. L'enquêteur responsable de cette affaire était bien allé chercher à Western Union l'argent envoyé par son frère. Le fonctionnaire avait soi-disant oublié de l'enregistrer. Toujours est-il qu'il était dans ses poches. Qui s'en souciait, une fois Moïse en prison pour plusieurs années? Après plusieurs douches avec des bouteilles remplies d'eau venant de l'égout et plusieurs jours d'enquête, je lui ai serré la main avant qu'il le transfère. J'espère qu'il va bien. L'homme dangereux. Son nom de code, le chirurgien, lui venait de ses débuts où il dépouillait les gens, retirant de l'argent aux distributeurs de billets. Il leur donnait un coup de couteau avant chaque ordre. Slash, donne-moi ton portefeuille. Slash, donne-moi ton code. Slash, des frappes chirurgicales. D'où son surnom. D'après lui, ils obéissaient plus vite après un coup qu'en les menaçant du coup. Un pro. Il avait déjà passé plus de 6 ans en prison, où il était devenu un des principaux lieutenants, personne maintenant la hiérarchie instaurée par les prisonniers, dans la prison de Kondangi, quartier Kosovo. Entre ses séjours en tôle, il était un gros consommateur de cocaïne et pour se satisfaire, il arrivait à trouver 2000 euros par semaine dans Yaoundé. Attention, rien à voir avec le cliché médiatique du malfaiteur, mais exactement l'inverse. 30 ans, très bonne éducation, issu de la classe moyenne, propre voire raffiné, beau sourire, des mains qui montraient qu'il n'avait jamais touché un manche d'outils, une mentalité de politicien, donc un vrai psychopathe. Au départ, je ne le croyais pas quand il me racontait concrètement comment cela se passait dans les rues d'Yaoundé. Mais cela me fut confirmé par tous ceux qui y vivaient, par les histoires de mes camarades de cellule et par les conversations des policiers entre eux. Premièrement, les policiers qui travaillent dans les rues ne veulent surtout pas monter en grade, car lorsqu'ils travaillent dans les bureaux, c'est moins lucratif. Même avec le système de rafle hebdomadaire décrit ci-dessus. Normalement, un vrai criminel ou un vrai voleur n'arrive jamais en cellule. Il faut pour cela qu'il ait suffisamment d'argent sur lui pour payer la police si elle l'attrape. Les prix, pour un vol, entre 50 et 100 euros, en fonction de la négociation avec le groupe de policiers. Mais dans tous les cas, tu repars immédiatement, ni vu ni connu, et avec la marchandise que tu as volée. Pour un meurtre, le chirurgien m'a dit qu'il avait pu repartir une fois pour 200 euros. Mais j'ai pu comprendre que ce n'est jamais beaucoup plus que 1 000 euros. Pour preuve, mes camarades de cellule n'avaient jamais une telle somme dans les poches. Lui, le chirurgien, n'avait pas eu de chance ce coup-là. Lors du dernier cambriolage, il avait été arrêté fortuitement par la police judiciaire qui enquêtait sur une autre affaire. Ses complices à moto ont réussi à s'échapper, mais lui avait des écrans plasma accrochés dans le dos. Il y a un commissariat pour les affaires judiciaires avec une salle de torture, équipée avec notamment une barre de balançoire. La police judiciaire est plus gourmande, mais l'argent qu'il avait dans les poches lui avait au moins servi à acheter sa détention dans un commissariat plus soft. L'impunité des vrais criminels n'a d'égal que la corruption du système. Et la corruption est totale. L'humanitaire. J'ai dit 5 histoires, mais l'humanitaire, c'est moi. Le fait le plus essentiel de mon séjour arriva vers la fin. J'étais en train de dormir d'un sommeil profond quand mes camarades sont venus me réveiller. Je n'avais pas dormi de la nuit, car la veille, les matons avaient transféré tous les détenus de la cellule du parquet dans la nôtre. Donc, cette nuit-là, nous étions plus de 50 personnes dans cette petite pièce. Il n'y avait même plus la place pour s'allonger. J'étais donc fatigué, quand je me suis levé en pensant qu'il y avait une bagarre. Mais non, ils me disent qu'il faut absolument que je parle à la femme qui va repasser devant la porte. Depuis mon arrivée sur le continent africain, j'avais bien pris soin de ne pas avoir affaire directement à la société française. De très hauts gradés du système colonial étaient dans le couloir, devant la porte, dont plusieurs généraux. Ils étaient là pour faire une inspection de la cellule du parquet, un contrôle du bon fonctionnement de l'institution. La cellule pouvait être propre dans le fond comme dans la forme. Ils l'avaient nettoyée toute la nuit et avaient transféré au matin tous les détenus torturés et les nombreux cas bizarres légalement. Dans notre cellule de garde à vue, notre porte en fer avait juste une petite lucarne de 10 cm à hauteur des yeux. Et c'est par ce petit orifice que je vois passer dans le couloir une Française grisonnante d'une 50aine d'années. En Afrique comme ailleurs, le français est parlé avec des accents caractéristiques. Donc en quelques mots, on sait d'où est originaire la personne et si notamment elle vient de France. C'est pour cela que cette femme s'est tout de suite retournée et est venue me parler. Je vais retranscrire le dialogue exact. Moi. Bonjour madame, excusez-moi, pourrais-je vous parler? Elle se retourne. Vous êtes français? Moi, oui, entre autres. Elle s'approche. Pourquoi vous êtes là? Qu'avez-vous fait? Très étonné. Moi? Rien. J'ai été arrêté quand... Elle me coupe la parole. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 2 mois. Ce n'est pas possible. Donnez-moi votre nom, je peux en toucher un mot à l'ambassade. Vous trouverez mon nom sur le registre. Vous verrez que ça fait 2 mois. Je ne vous demande pas votre aide, je veux juste que vous entriez pour inspecter notre cellule. Derrière son dos, les généraux faisaient les gros yeux et des gestes menaçants à mon intention. Ce qui se traduirait littéralement par « On va te trancher la tête si tu fais foirer notre mise en scène ». Elle répéta « Donnez-moi votre nom ». Pleinement consciente de ce qui se passait derrière elle, son visage trahissait un début de peur. « Moi, il est sur le registre. Je vous demande d'inspecter notre cellule. Je garantis votre sécurité. Faites votre travail. » Elle réfléchit 2 secondes et fit un pas en arrière en disant « je n'ai pas le temps » et continua son chemin. Cela s'est passé à 19h. Elle devait être en retard pour aller manger des petits fours dans un salon feutré. Voici quelques chiffres. Dans ma cellule, il y avait toujours un ou plusieurs détenus avec des traces de torture très récentes. En prenant en compte le nombre de commissariats au Cameroun, par le nombre de torturés par jour, il y a par an plus de 100 000 personnes torturées par les fonctionnaires de police. Lors de mon séjour, plusieurs détenus sont partis à l'hôpital, notamment suite à des bagarres avec des lames de rasoir. Donc, par an, il y a plus de 5 000 blessés graves qui sont générés en garde à vue. On est également sûr que par an, il y a au moins 500 morts dans les cellules de garde à vue camerounaises. À ce propos, il est à noter que les conditions de détention dans le Nord sont pires. Si un jour je recroisais cette Française, et qu'il n'y a pas une porte en fer entre elle et moi, je prendrai le temps et mes responsabilités. Je ferai mon devoir en tant qu'être vivant. Car c'est sur la base de ces rapports que les Français vont se faire une opinion de la situation et ou justifier leur société. Or, ce sont en réalité des écrits fantastiques. Mais après ce qui s'est passé, c'est de la barbouzerie, de la non-assistance à personne en danger et de la collaboration criminelle. J'accuse les institutions de produire des faux, les médias d'usage de faux et ceux qui les suivent d'être des faux-culs. Je les accuse au moins de complicité de crimes contre l'humanité. Il va falloir se faire justice. Au bout de plus de 2 mois de mensonges sur ma proche libération, pour sortir, je pris l'option de la violence. Je commençais à être malade, avec de plus en plus de maux de tête. Il faut dire que l'alimentation n'était pas équilibrée, et les conditions d'hygiène étaient moyenâgeuses. En plus, je n'ai pas encore parlé des poux de vêtements. Ces parasites se reproduisent par centaines dans les coutures. En 2 jours, ils ont la taille d'une fourmi, donc assez gros pour piquer jusqu'au sang. Je passais 2 à 3 heures par jour à les enlever. Ce, y compris la nuit, car les démangeaisons me réveillaient. J'étais recouvert de boutons et je sentais ma condition physique diminuer. L'instinct de survie se réveilla. Quand les gardiens ouvrirent la porte pour faire l'appel, je forçais le passage pour aller dans le couloir où j'étais prêt à me battre. La première fois, ils me calmèrent en faisant venir le responsable opération des services secrets. Il me fit une énième promesse de sortie imminente. Comme d'habitude, après être retourné en cellule, elle ne fut pas tenue. Donc, une semaine après, retour à l'attaque. J'étais prêt à mourir et à tuer pour sortir. J'étais conscient qu'il fallait que je batte 10 de militaires avant d'atteindre la rue. La porte s'ouvre, j'envoie la gardienne voler contre le mur et commence à me diriger vers le hall. Quand le gardien, celui qui m'avait appris que Sarkozy avait été remplacé par Hollande, se met en travers de ma route. Un colosse d'1m80, 100 kilos, sûrement ancien boxeur. J'envoie un coup de poing en pleine puissance dans l'intention de lui traverser la tête. J'ai pratiqué le karaté jusqu'à obtenir une ceinture verte, juste pour préciser que mes intentions étaient fondées. Ma garde était trop haute et il esquive le coup en plongeant en avant, puis me ceinture au niveau de la taille. Pendant que je lui donnais des coups de coude dans le dos, un autre gardien arriva et m'étrangla. En même temps, une nouvelle gardienne essayait de bloquer mes bras et sa consœur gardienne que j'avais laissée derrière moi me tirait vers l'arrière avec l'aide d'un inconnu. Au total, il fallut 5 personnes pour me ramener jusqu'à la porte. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'encadrement de celle-ci, ils durent tous me lâcher. Pensaient-ils que j'allais rentrer tranquille me rasseoir ? Je réajustai ma garde et repartis à l'attaque. Face à mes coups, le civil inconnu s'éclata l'arrière de la tête contre le mur en reculant. Cette fois, les gardiens reculaient, bien que je reçus quelques coups. Malheureusement, j'avais laissé l'inconnu derrière moi, et au bout de 3 mètres dans le couloir, il me ceintura par l'arrière, au moment où un gardien réussit à me faucher les jambes. Ils me portèrent à grand mal jusqu'à la porte, où ils nous, moi et l'inconnu, poussèrent dans la cellule. Quand l'inconnu se rendit compte de là où il était, il se releva et voulut courir vers la porte. Mais, depuis le sol, je lui fis un croche-patte, si bien qu'il loupa l'ouverture et rentra dans le mur, cette fois la tête la première. C'est évanoui que les gardiens le tirèrent dehors. Bilan personnel, arcade sourcilière ouverte, beaucoup de sang mais pas grave, de multiples bleus et un mal de gorge pendant quelques jours. J'avais l'intention de recommencer et ils le savaient. À partir de ce moment-là, lorsqu'ils ouvraient la porte, j'ai bien aimé la peur que ces monstres avaient dans les yeux, l'angoisse du Souleyman. L'embêtement que cela a généré a fait rapidement évoluer le traitement de mon dossier. Officieusement, des policiers sont venus me dire quel motif les services secrets avaient fini par inscrire pour justifier mon incarcération. Car depuis 2 mois, je ne savais pas officiellement pourquoi j'étais enfermé. Il était marqué sur le registre « Rébellion, pratique d'activités dangereuses et espionnage ». Rébellion, je suis d'accord, et fier. Pratique d'activités dangereuses, cela ne précise pas pour qui. Bolloré, Total, Billa, ou les trois. Espionnage, de quoi et pour qui? Sérieusement. Le commissariat avait fait pression sur le délégué général à la sûreté pour qu'il me transfère autre part. Ce qui fut fait après 75 jours dans une cellule de garde à vue et dans un bâtiment à 50 mètres de la cellule. Ma plus grande victoire fut de sentir le soleil sur ma peau, malgré la douleur aux yeux causée par ce séjour dans la pénombre. De plus, après 2 mois et demi allongés et accroupis, les 100 mètres à pied qui me séparaient de ma nouvelle chambre me fatiguèrent autant que 10 kilomètres. Mais là, changement de décor radical. Ils m'installèrent seul dans une pièce 3 fois plus grande que mon ancienne cellule. Parquet au sol, boiserie sur les murs, très grande baie vitrée et surtout un lit avec un matelas. Oui, un matelas. Ce bâtiment était le siège des services secrets pour la région de Yaoundé. J'étais libre d'aller sur tout le rez-de-chaussée et même de regarder la télé. Une seule sortie, gardée par un mur de 2,50 m, séparant l'arrière-cour de la rue. J'en reparlerai, car dans un premier temps, l'évasion n'était pas d'actualité. D'abord, retrouver une condition physique acceptable. Je vais passer 1 mois dans ce bâtiment. D'abord, une information à destination de l'infime partie des Camerounais qui n'auraient pas encore honte d'appartenir à cette nation. Avoir la nationalité française, c'est encore plus honteux. J'ai été transféré au SS, service secret, le jour où Marafa Yaya, peuple fulbé, musulman, homme politique du Nord, ex-ministre des Finances puis des Affaires territoriales, et le grand ami de Bolloré. Et Yves-Michel Fotso, peuple bamiléké, protestant, homme politique de l'Est, ex-ministre de l'économie et aussi homme d'affaires, sont eux entrés à la prison de Conangui. Résumé des faits. Les deux ministres avaient acheté quelques années plus tôt le plus gros avion du monde. Le même qu'utilise Trump, président d'un des pays les plus riches du monde, un Boeing 747 pouvant transporter 500 personnes. Cela à la demande et pour l'usage d'une personne, Paul Biya, peuple Fang Bouloubeti, catholique, originaire de l'Ouest, dictateur du pays dont les populations sont parmi les plus pauvres du monde. Résultat, Marafa et Yves, ces deux acheteurs sous fifre, mais surtout ces deux principaux concurrents à la présidence, ont été mis hors d'état de lui nuire. Mon anecdote dans cette manigance est que le leader des manifestations de soutien à ces deux politiciens, Marafa et Yves, fut interrogé, torturé dans le building des SS. Il, SS et dictateur, voulait savoir d'où leur venait leur financement. Question intéressante maintenant que Sarkozy n'était plus au pouvoir. C'est ce leader qui, après son interrogatoire, me l'a dit avec encore des larmes dans les yeux. Il était devant le poste de télévision et attendait que ses pieds dégonflent pour pouvoir remettre ses chaussures. Ayant maintenant une bonne expérience des soins post-torture, je lui ai préconisé de partir pieds nus s'il ne voulait pas passer la nuit ici, ce qu'il fit. Le renseignement est un des arts de la guerre. Sur ce plan, j'ai appris quelques trucs importants. Premièrement, concernant mon dossier, il était resté pendant 2 mois et demi sur le bureau du délégué général à la sûreté du territoire. Chose étonnante, c'est qu'il ne l'a jamais transmis à son propre secrétariat. Lors de son archivage, j'appris auprès d'un fonctionnaire ivre, ce qui est au passage l'état naturel du fonctionnaire camerounais, que c'est grâce à ma bagarre contre les gardiens de la cellule que j'en étais sorti. Il avait été noté comme raison « tendance suicidaire ». Deuxième truc important, j'ai écrit « service secret » et pas « service secret du Cameroun ». Ici, la notion de nation est très floue, car l'ingérence est « totale Bolloré ». Le directeur des SS de la région de Yaoundé a été formé à l'école de Saint-Cyr, en France. Ses deux subalternes. Le chef du service d'archivage avait été formé à l'ENA, École nationale d'administration, en France, et le chef du service opération avait lui aussi été formé à l'école de Saint-Cyr, en France. Dans mes écrits, je sélectionne les informations en fonction de leur pertinence pour la vie, mais aussi qu'elles soient vérifiables moyennant une petite enquête. Les informations ci-après risquent d'être un peu plus dures à vérifier au vu de là où je les ai récoltées. Mais rien d'impossible. J'ai constaté qu'une trentaine de personnes, aux traits occidentaux, venaient très régulièrement et tout spécialement dans la salle qui faisait face à ma baie vitrée. Pour ceux que cela intéresse, c'est dans les petits locaux entre le bâtiment des SS et celui du commissariat. Dans cette pièce avec digicode, barreaux aux fenêtres, vitres et portes blindées, des ordinateurs fonctionnent jour et nuit. Ils surveillent, enregistrent et contrôlent les communications. Sur le toit du building de 4 étages, de très nombreuses paraboles sont tournées vers le ciel et des antennes vers Yaoundé. À ma connaissance, le Cameroun n'a jamais envoyé de satellite. Dans mes relations plus terre-à-terre, mes nouveaux compagnons de détention n'étaient pas inintéressants. Ils avaient tous deux points communs. Mes codétenus étaient tous de nationalité étrangère et recevaient tous de l'argent du HCR ou de l'ONU. Ces deux institutions ont un but commun, maintenir les États et les frontières en entretenant les nationalistes. Le HCR, qui veut dire Haut Commissariat aux réfugiés, a son siège à Paris. Cette institution cache le vivier des futurs pantins politiques qui siégeront peut-être un jour à l'ONU. J'ai beaucoup discuté avec un Ivoirien qui était dans ce building depuis des années. C'était notre doyen dans la connaissance de ce lieu et un expert de leur magouille. Son histoire en est la caricature. Ancien secrétaire général des Forces Nouvelles, il avait fait une tentative de putsch lors d'une attaque sanglante contre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les SS le cachaient et le protégeaient, car ils pouvaient, si le président Alassane Ouattara devenait non coopératif avec les colons, le remplacer. Le cas échéant, il aurait, avec ses camarades cachés un peu partout en Afrique, été amené à prendre la tête d'une rébellion. Cependant, sans vouloir casser ses espoirs, cela me paraissait peu probable. Alassane Ouattara s'étant marié à une Française, Dominique Nouvian, leur mariage ayant été célébré dans le 16e arrondissement de Paris, en présence de Jean-Christophe Mitterrand, Martin Bouygues et avec un fils travaillant en étroite collaboration avec Bolloré. Disons que ce président est colonialement très encadré, ou tenu, ou lié. On m'a raconté beaucoup d'histoires au sujet des liens qu'il y a entre le HCR et les conflits, passés et futurs. C'est frustrant, mais je raconte juste ce que j'ai vécu. Pendant quelques jours, j'ai eu un compagnon dans ma nouvelle chambre. C'était un ancien enfant soldat du Tchad. Il s'était rendu, lors de l'assaut du palais présidentiel, puis il avait été transféré à Yaoundé par le HCR. Il percevait 50 euros par mois de cette institution. Il venait de son plein gré prévenir les SS, preuve à l'appui, que des emails étaient envoyés à tous les anciens soldats du Tchad soutenus par le HCR. Des personnes cherchaient à les enrôler dans la future guerre qu'il va y avoir en Centrafrique. La soudaineté avec laquelle les guerres africaines apparaissent sur les médias européens est très artificielle. En Afrique, la population sait très exactement et des mois à l'avance où il va y avoir la guerre, entre nationalistes. Je passe sur les histoires louches avec l'ONU, mais... Au début, je discutais avec les agents, je leur racontais mon histoire et surtout l'intérêt des hauts fourneaux. Ils me disaient « C'est pas possible, il faut ça, je vais voir ce que je peux faire pour te libérer. » Et quelques jours après, je les recroisais. Et là, ils fuyaient mon regard sans s'arrêter. Pour ma part, je commençais à retrouver une certaine forme physique. J'arrivais à marcher plusieurs heures d'affilée en tournant en 8 dans ma chambre. J'ai donc commencé à organiser mon évasion. Dans un premier temps, j'essayais de récolter le maximum d'informations sur ma localisation pour pouvoir m'orienter une fois que je serais dans Yaoundé. Ensuite, je déterminais le meilleur moment pour sauter le mur. Je ne sais pas vraiment quand ils m'ont grillé. Peut-être quand je dégageais les détritus le long du mur, ou quand, à 4 heures du matin, j'observais les va-et-vient des passants de la rue, debout sur des cagettes que j'avais placées contre le mur. Toujours est-il que je fus convoqué par le chef DOS, opération secrète, pour un entretien qui fut un haut sommet d'hypocrisie de part et d'autre. Mais je n'ai pas pu le convaincre de ma passivité face à ses mensonges, car la semaine suivante, il affecta un homme armé pour me suivre partout. J'étais en horaire décalé, c'est-à-dire que je vivais la nuit pour éviter de discuter avec ces connards. Les agents en charge de ma surveillance n'arrivaient pas à tenir toute la nuit et s'endormaient sur leurs chaises. À ce moment-là, je prenais un malin plaisir à me déplacer doucement dans une autre pièce. J'avais du mal à me retenir de sourire quand je les voyais arriver stressés et paniqués par ma disparition. Ce n'est pas eux qui allaient perturber mon programme. Au bout de 3 semaines, la date de l'évasion était fixée. Je passerai le mur le samedi soir, car ils étaient en sous-effectif. Une fois le mur franchi, je chopperai un motoman pour la gare de transport de marchandises, puis trajet jusqu'à la frontière du Nigeria. Mon passeport ne m'avait pas été rendu, donc sûrement traversé à la nage ou par pirogue pirate. Mon projet était de me présenter aux autorités du Nigeria pour leur raconter ce qui s'était passé. 3 jours avant l'évasion, on me convoque chez le directeur car un représentant de l'ambassade du Sénégal était là pour me rapatrier. Lors des discussions, je demandais une dernière fois la carte officielle de la région où j'avais prévu de construire le haut fourneau et qu'il m'avait promis de me fournir. Énième refus. Le représentant sénégalais Diop, famille d'agriculteurs, me conseilla de laisser le sujet de côté et d'accepter mon rapatriement. J'acceptais. À l'extérieur du bâtiment, le chef des opérations secrètes, Moukoulou, famille d'agriculteurs, voulut me serrer la main. Je refusais avec le poing serré. En d'autres lieux, je mettrais hors d'état de nuire ce menteur. Parlons famille. Dans celle des Moukoulou, il y a plusieurs hauts fonctionnaires d'État, des hauts gradés militaires et des hauts ecclésiastiques catholiques, une vraie dynastie postcoloniale. De mon côté, je porte le nom de Kane Diallo, donc d'une famille d'éleveurs. De nombreux commerçants du marché de Yaoundé sont de ma famille. Malheureusement, un gigantesque incendie avait ravagé le marché quelques mois plus tôt et ces commerçants avaient tout perdu. L'État sénégalais, depuis peu dirigé par Macky Sall, famille d'éleveurs, finançait leur rapatriement. Et quand les membres de ma famille ont été au courant qu'un Kane était détenu au secret, ils ont fait pression sur l'ambassade pour que je rentre avec eux. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans un avion pour Dakar.